Dagobert avait tant de dévotion que durant son règne, nos pères l'appelèrent le grand Dagobert. Fils de Clotard II, fils de Frungund, il devint roi d'Austrasie, roi des Francs, roi de Neustrie et de Bourgogne, dernier roi mérovingien de la dynastie franque qui couvre la Gaule et l'Allemagne. Quand le roi mourut, un ermite nommé Jean, qui vivait sur un îlot des côtes de Sicile, vit passer une barque dans laquelle Dagobert se faisait malmener par quatre démons, qui l'emmenaient pour précipiter son âme en enfer en l'Etna, volcan de Stromboli, petite île des côtes de Sicile, où des flammes de lave s'élancent continuellement. Sachant avoir expié une part de ses fautes sur terre, et que la justice de Dieu se satisferait du reste à purger au purgatoire, l'âme de Dagobert invoqua ses protecteurs Saint-Denis, Saint-Maurice et Saint-Martin, qu'il honora de son vivant. Il supplia ses saints patrons de la France de se souvenir des magnifiques églises qu'il leur avait bâties durant sa vie, de le secourir en cette extrémité. Les trois saints vêtus de lumière descendirent aussitôt sur une nuée. « Qui êtes-vous? Venez-vous à mon secours? Nous sommes les martyrs Denis et Maurice, et celui-ci est l'évêque Martin de Tours. Parce que tu nous as invoqués, et que de ton vivant tu t'es montré fidèle serviteur, nous venons à ton appel pour te retirer des mains des démons, et te conduire à l'éternité bienheureuse. » Ils prirent des esprits infernaux leurs tremblantes victimes, malgré leurs cris de rage, et placèrent le prince au milieu d'eux, puis l'emportèrent au ciel en chantant, « Heureux qui tu choisis, et admets d'habiter dans tes parvis, comblé du bien de ta maison. » Voilà ce que l'ermite fit savoir à l'évêque quand il retourna dans son diocèse. On remarqua qu'elle correspondait justement à la mort de Dagobert, c'est pourquoi sous le règne de Saint-Louis, on inscrit ce récit sur le marbre de son tombeau où je l'ai vu gravé. Montfaucon dit qu'un homme en Soald, qui revenait de son ambassade de Sicile, aborda une petite île où se trouvait un vieil ermite religieux nommé Jean, dont la sainteté attirait bien des gens venus se recommander à ses prières. Ansoald entra en conversation avec ce saint ermite, et parlant des Gaules et du roi Dagobert, Jean dit avoir été averti de prier Dieu pour l'âme du prince, car il l'avait vu en mer, lié à un esquif, petit bateau, les démons le maintenaient en le battant, et l'amenaient au lieu de Vulcain. Dagobert cria au secours en appelant Saint-Denis, Saint-Maurice, et Saint-Martin, les priant de le délivrer, et le conduire dans le sein d'Abraham. Ces saints vinrent rapidement vers les démons. Ils leur reprirent son âme, et l'emmenèrent au ciel en chantant des versets et des psaumes.